après Monaco et Marseille, des biens. Ici Nicolas Martel. Je vous invite du 13 au 16 septembre à venir assister en grand nombre au 48e championnat mondial de pétanque avec plus de 48 pays participants. Également, la tenue du festival des biens extrêmes avec la plus grosse tourtière au monde, la chaise musicale géante, le championnat mondial de pédalo et plusieurs autres activités seront à l'honneur. De plus, en soirée, trois spectacles de Québec Cime, partenaire majeur de l'événement. Pour achat de billets ou informations, consultez le site web et le Facebook de la ville de Lévis. Bonjour à tout le monde, Danny Veilleux, le bulletin de sport local et régional. Les Diamants de Québec ont remporté le deuxième match de la série 4 de 7 hier à Québec contre les Voyageurs de Jonquière. Les Diamants qui l'ont emporté 3-0, c'est un circuit de 3 points de Tristan Paget qui a fait la différence. Donc le match numéro 3 s'est présenté ce soir à Québec, encore une fois, les Voyageurs tirent de l'arrière 2-0. Donc c'est un match que l'équipe de Martin Pouliot devra gagner. On s'active évidemment pour les championnats du monde de pétanque qui seront présentés à Desbiens la semaine prochaine. Hier, dans la section entrevue de DanRadioSport.com, on a parlé avec Bernard Dozouz, qui est le vice-président international de la Fédération de pétanque. Et il nous explique dans un premier temps qu'est-ce qui a motivé les gens à donner à Desbiens l'organisation de ces championnats. Le monde aujourd'hui décédé malheureusement, proposer la ville de Desbiens, elle était double. D'abord parce que c'est un événement qui n'a jamais eu lieu en Amérique, ouais. Et que dans la situation actuelle où la pétanque est aux portes des Jeux olympiques, il fallait que ça ait lieu ici et que ça soit un peu mieux connu, parce qu'habituellement ça a lieu en Asie, en Europe ou en Afrique. Okay. Et par conséquent, ça c'était ma volonté à moi et que j'ai partagé avec le comité décisionnel. Après ça, je sais très bien, parce que j'ai déjà participé à deux organisations, le championnat du monde jeune et le championnat du monde féminin, que les grandes villes, nos grandes villes canadiennes, et ça serait sûrement encore pire aux États-Unis, elles considèrent pas notre événement comme assez prestigieux, et que par conséquent les organisations municipales, ça serait, on pourrait parler de Montréal, de Québec, de Trois-Rivières, enfin de Ottawa, on aurait eu plus de difficultés. Je sais que Bernard Dozouz nous parle de la popularité de ces championnats du monde à travers le monde. Les radios se disputent pour diffuser les images, les télés et tout ça. Mais si vous le faites au Japon, ok, ça sera, ou en Chine, ça sera pas mal moins populaire dans les gradins. Ah ouais. Alors en pétanque, si on voulait de la popularité, et c'est pour ça que la seule télévision qui va diffuser, c'est une télévision française qui va venir filmer les parties finales le dimanche. Ici, les télévisions ne se sont pas montrées intéressées. Par contre. À l'échelle planétaire, moi qui m'occupe de la Fédération internationale depuis combien de temps, on a le seul sport qui est plus répandu, quand je dis répandu, c'est-à-dire dans les pays du monde, là, plus que la pétanque, c'est le soccer, donc le football. Oh, okay. Sinon, après, on trouve des joueurs de pétanque là, sur les 5 continents. Le premier continent est sans aucun doute l'Europe, quand même. Et après ça, en popularité, maintenant, c'est l'Asie. Puis d'ailleurs, au niveau des résultats sportifs aussi, l'Afrique. Et puis l'Océanie, bien que ce soit un petit continent. Et puis l'Amérique. Pour les Amériques Nord et Sud, on est un peu à la traîne. On est seulement une dizaine de pays. Dans le dernier temps, Bernard Ozouz parle que le Canada pourrait se classer dans les 16 premiers, explique le vice-président international de la Fédération de pétanque. Le monde masculin en sont leur 48e édition, et le Canada a été présent 47 fois. Donc, est-ce qu'ils sont compétitifs? Est-ce qu'ils sont... Ils sont compétitifs. Ils sont dans les sur les 48 là. Moi qui connais bien tout ça, on serait très content si ils étaient entre 4 et 8. On va leur souhaiter une médaille entre 1 et 4. Ça serait quand même étonnant qu'ils aient la médaille d'or et d'argent. Il faudrait qu'ils fassent une performance de 3 jours de très haut niveau. Mais s'ils étaient pas, par contre, s'ils étaient pas dans les 16 meilleurs, on serait un peu déçu. OK, OK. Ouais, okay. Juste moi-même, je... Nick Senior du Lac aux Fleuves, hier, on a annoncé une grosse signature chez le multiconcessionnaire d'Odelbeau-Mistassini. Simon Tremblay, qui a évolué avec les Marquis de Jonquière et les Saguenay de Chicoutimi au cours des dernières années, a annoncé qu'il allait porter les couleurs du multiconcessionnaire pour la prochaine année. J'invite à écouter la section de revue de danradiosport.com. Hier, on a parlé avec Bernard Ozouze, le vice-président de la Fédération de pétanque, où il parle de l'organisation du championnat du monde de pétanque qui sera présenté très prochainement à Desbiens. Je me suis également entretenu avec le descripteur des matchs des Sénateurs d'Ottawa, Nicolas Saint-Pierre, et Patrick Beaupré, un pêcheur de Québec, a pêché un thon de 500 livres la semaine dernière en Gaspésie. Il nous raconte son expérience. Le sport local et régional à danradiosport.com. On s'en occupe.